À l'occasion du 22e anniversaire du décès du président Kim Il-sung et du 52e anniversaire de l'intégration du camarade Kim Jong-il au comité central du Parti du Travail de Corée, le rendez-vous en l'honneur des grands hommes a eu lieu à Prague, Tchèque. Y ont pris part les personnalités des organisations politiques et sociales et les habitants de Tchèque et de Slovaquie, ainsi que les diplomates coréens en Tchèque. Les participants ont observé un moment de silence à la mémoire du président Kim Il-sung. Les orateurs y ont indiqué que le président coréen, grand homme reconnu par le monde, est toujours éternel dans le cœur de l'humanité progressiste pour ses grands exploits accomplis pour l'édification socialiste de la Corée et l'œuvre socialiste du monde. On y a adopté une lettre à l'adresse du maréchal Kim Jong-un. Après le meeting, on a projeté le documentaire coréen « Célébration solennelle du 70e anniversaire de la fondation du Parti du Travail de Corée » en présence du respecté camarade Kim Jong-un.